J'ai rêvé cette nuit que je faisais l'amour. J'ai rêvé cette nuit que j'étais près de toi. J'ai rêvé cette nuit qu'on m'apprenait l'amour. Que j'étais près de toi et toi tout près de moi. Je t'apprendrai l'amour avec des gestes tendres. Je te dirai les mots que tu rêves d'entendre. Je te découvrirai pour la première fois quand tu vas t'endormir, dormir tout près de moi. Je t'apprendrai la nuit dans sa langueur profonde, sur le même océan, nous quitterons le monde. Et le premier soleil glissera sur ta peau, impatient de t'offrir d'autres matins nouveaux. Je t'apprendrai l'amour, tu m'emmèneras où? Ici, là-bas, partout. Ça durera des jours, ça durera toujours. Je t'apprendrai la vie et ses joies et ses craintes. Je me ferai douceur pour étouffer tes plaintes. Et ton printemps si pur verra naître l'été. Quand tu deviendras femme pour mon éternité, je t'apprendrai l'amour avec des gestes tendres. Je te dirai les mots que tu rêves d'entendre. Je t'apprendrai par cœur sur le bout de mes doigts quand tu deviendras femme pour la première fois. Je t'apprendrai l'amour, tu m'emmèneras où? Ici, là-bas, partout. Ça durera des jours, ça durera toujours. Apprends-moi l'amour, je t'apprendrai l'amour, tu m'emmèneras où? Ici, là-bas, partout. Ça durera des jours, mais non, ça durera toujours. Tu m'apprendras, promis. Jure.